بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثالث والثلاثون أو الثالث والثلاثين في شرحنا على عمدة الأحكام. Donc nous allons commencer aujourd'hui le 33e cours dans l'explication de عمدة الأحكام. ومعنا اليوم الحديث الثالث المذكور في باب صفة الصلاة. Aujourd'hui le troisième hadith qui est cité dans le sous-chapitre de le sous-chapitre lié à la description de la prière, toujours dans Kitab al-Salat, donc toujours dans le chapitre de la prière. قال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. Et donc l'auteur عبد الغني المقدسي رحمه الله, il nous dit selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains à hauteur des épaules lorsqu'il commençait la prière et lorsqu'il faisait le takbir pour l'inclinaison, et aussi lorsqu'il levait sa tête après l'inclinaison, il levait ses deux mains aussi, et il disait sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Et il ne faisait pas cela pour la prosternation. Muttafaqun alayh. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين عند التكبير. Il y a dans ce hadith l'aspect légiféré, la licéité quant au fait de lever les mains lors du takbir. أما في تكبيرة الإحرام فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيهِ. En ce qui concerne le takbir, donc takbirat al-ihram, donc le takbir de la sacralisation pour le début de la prière, alors certes les savants sont unanimes concernant la licéité du fait de lever les mains pour celui-ci. وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي التكبير عند الركوع وعند الرفع من الركوع. Ibn Umar dans ce hadith qu'on a aujourd'hui, il nous cite en plus de takbirat al-ihram, il nous cite le fait de lever les mains pour le ruku', donc lorsqu'on a fini de réciter le Fatiha, on lève les mains pour le ruku', et on lève les mains lorsqu'on se lève après le ruku'. Voilà ce qu'il nous a cité Ibn Umar. Wa hadha qawlu al-jumhur أي مشروعية رفع اليدين في هذين في هذين الوقتين. Et ceci est l'avis de Al-Jumhur, la majorité des savants, le fait qu'il est permis de lever les mains à ces deux moments-là, au moment donc de l'inclinaison et après l'inclinaison. خالفهم أبو حنيفة. L'imam Abu Hanifa donc il a contredit cet avis. وقال بتخصيص رفع اليدين لتكبيرة الإحرام. Abu Hanifa, il voit que le fait de lever les mains, cela est spécifique au début de la prière. Cela est spécifique au début de la prière, تكبيرة الإحرام. ومن أدلتهم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنكم أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. Et donc parmi les preuves de Al-Hanafiya, il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Jabir ibn Samurah qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: comment se fait-il que je vous vois lever vos mains? Et donc ça, c'est pendant la prière. Comment se fait-il que je vous vois lever vos mains comme si c'était des queues de chevaux instables? Soyez tranquilles et apaisés durant la prière. Alors, dalil qawi ou pas? Hein? Pourquoi? Il y a plein d'avis que c'est en rapport avec le moment où il se partant au Coran, il va venir au Coran. Peut-être pas dans tout le monde. Peut-être c'est un autre moment. Aïe, barakallahu fiik. بين العلماء أن هذا الحديث هو مختصر. Les savants ils ont montré que ce hadith qui est dans Sahih Muslim, c'est une version résumée d'un long hadith. والمراد هنا هو رفع الأيدي في السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر رفع الأيدي في السلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم, ce qui est voulu ici, c'est le fait de lever les mains pendant le taslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a reproché le fait de lever les mains pendant le taslim. Ce n'est pas pendant le takbir. Thumma dhahab al-jumhur ila adami raf'il yadayn fi sujud. Wa kadhalika adami raf'ihima ba'd as-sujud. Et donc la majorité des savants, ils voient qu'on ne lève pas les mains pour as-sujud, la prosternation. Et non plus pas après la prosternation. Lorsqu'on a fini la prosternation, on ne lève pas les mains. Wa hadha mustadillin bi hadith Ibn Umar alladhi bayna aydina. Et leur preuve, c'est le hadith d'Ibn Umar qu'on voit aujourd'hui. Le hadith d'Ibn Umar, Ibn Umar qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas pour le sujud, pour la prosternation. Et donc, al-jumhur, il voit donc que on ne le fait pas. Al-Jumhur, c'est-à-dire les savants du Madhab Hanbalite, Malikite, Shafi'i, Hanafite, Al-Jamahir. Mais il n'y a pas Ijma. Et donc leur preuve, c'est ce hadith. Quoi, oui, d'Ibn Umar, radiallahu anhuma. Taïb, voilà qu'il y a l'Ishkal. Anna Ibn Hazm, ذكر في المحلى عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثديي. Cependant, Ibn Hazm, il a cité dans son livre Al-Muhalla, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Umar, qui levait les mains lorsqu'il commençait la prière et lorsqu'il s'inclinait et aussi lorsqu'il, après l'inclinaison et qu'il disait Sami Allahu liman hamida, lorsqu'il se prosternait et aussi entre les deux unités de prière, c'est-à-dire lorsqu'il se relevait après soujoud, il levait ses mains à hauteur de sa poitrine. Et donc Ibn Umar, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Et ici un hadith qui montre que Ibn Umar le faisait. Voilà pourquoi Ibn Hazm, il dit que Ibn Umar, il n'a fait ça que lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Sinon il ne l'aurait pas fait, c'est lui-même qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Wa kadhalika rawa an-Nasa'i aidan an Malik ibn al-Huwayrith أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما أذنيه. Et aussi النسائي l'a cité dans son recueil, selon Malik ibn al-Huwayrith, qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم lever ses deux mains durant la prière lorsqu'il s'inclinait, et lorsqu'il se levait de l'inclinaison, et aussi lorsqu'il se prosternait, et lorsqu'il se levait de la prosternation, jusqu'à ce qu'il mette les mains à hauteur de ses oreilles. Donc rappelez-vous, on a vu tout à l'heure, hauteur de l'épaule, maintenant hauteur des oreilles. Ça, on va en parler plus tard, inshallah ta'ala. Mais ici, dans ce deuxième hadith, ici, un deuxième compagnon qui nous montre, donc, qu'il a vu le prophète lever les mains lorsqu'il se prosternait et après la prosternation. وكذلك روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. Et aussi Abu Daoud, il nous cite selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains à hauteur des épaules lorsqu'il faisait le takbir au début de la prière. Et lorsqu'il s'inclinait, il le faisait aussi. Et lorsqu'il se prosternait, il le faisait aussi. Et lorsqu'il se levait après les deux unités de prière, après les deux premières unités de prière, il le faisait aussi. Et donc là, on a un troisième compagnon, donc Ibn Omar, Malik ibn al-Huwayrith, Abu Huraira, tous les trois qui nous disent donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les trois qui nous montrent la licéité quant au fait de lever les mains lorsque tu descends pour la prosternation et après la prosternation. Et le dernier qu'on va citer aujourd'hui, inshallah ta'ala, wa kadhalika ja'a an Anas ibn Malik kama fil muhalla. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. Il a été aussi cité dans le Muhalla d'Ibn Hazm que donc le prophète que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il levait les mains, les deux mains pour الركوع, l'inclinaison, et pour السجود, la prosternation. وهذا مذهب ابن القطان. Ceci est le مذهب de Ibn al-Qattan, ainsi que al-Khattabi, Ibn al-Mundhir, et d'autres, al-Bayhaqi, et d'autres parmi les ulema, wa kadhalika min al-mu'asirin, et aussi parmi les savants contemporains, on a Sheikh al-Albani, rahimahullah, comme dans Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans son livre Sifat Salat al-Nabi, il a abordé ce sujet, et aussi le Sheikh Ahmed al-Najmi, dans son explication de Umdat al-Ahkam. Wa hadha al-qawl huwa al-rajihu, inshallah ta'ala, لأن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على سنية رفع اليدين في السجود. Et cet avis est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, car tous ces hadiths que je vous ai cités, ils nous montrent donc qu'il est permis, que c'est une sunna de lever les mains lors de la prosternation. Wa aydan. Donc, on se concentre, inshallah ta'ala, avant de finir. Wa aydan لأن النفي جاء عن ابن عمر فقط. Et aussi parce que l'interdiction, ou alors la négation, elle vient d'Ibn Omar seulement. Il n'y a que Ibn Omar qui nous a dit que le prophète ne le faisait pas. Ammal ithbat faja'a an Abi Huraira. En ce qui concerne l'affirmation, le fait de le faire, de lever les mains pour la prosternation et après la prosternation, cela a été affirmé par Abu Huraira, Anas ibn Malik, et Malik ibn al-Huwayrith, mais aussi Ibn Omar lui-même. Ibn Omar lui-même. Et donc, à ce moment-là, on voit donc que l'avis le plus fort, inshallah ta'ala, est le fait de lever les mains. Inshallah ta'ala. Wa min al-qawaid al-fiqhiyya al-ma'rufa, anna al-muthbit muqaddamun ala al-nafi, li'anna lahu ziyadat ilm. Et aussi parmi les règles de la jurisprudence qui sont connues, il y a le fait que el-muthbit, donc celui qui affirme, comme on a deux rapporteurs de hadith par exemple, il y en a un qui nous dit le prophète il a fait ça, l'autre qui nous dit le prophète n'a pas fait ça. El-muthbit, celui qui affirme que le prophète il a fait, sa parole elle prévaut à celui qui nous dit qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que celui qui affirme, il a plus de science. C'est lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Celui qui nous dit non, il ne l'a pas fait, il ne nous a pas menti, c'est juste qu'il ne l'a pas vu le faire. Il ne l'a pas vu le faire. Et donc, voilà pourquoi les savants, ils disent, c'est une règle qui est connue, celui qui affirme, et il prévaut à celui qui nie. Idhan al-raji' inshallah ta'ala, mashru'iyyatu raf'il yadayn 'inda at-takbir lis-sujud aydan. Et donc l'avis le plus juste inshallah est que il est licite de lever les deux mains lors du takbir pour la prosternation aussi. Thumma ikhtalafa al-ulama fi hadd raf'il yadayn. Hal narfa'uhuma ila al-mankibayn aw ila al-udhunayn. Ensuite les savants ils ont divergé. Est-ce qu'on lève les mains à hauteur des épaules ou à hauteur donc des oreilles? وقد سمعتم الأحاديث التي قرأناها عليكم وفيها ما يدل على رفع اليدين إلى المنكبين وفيها ما يدل على رفع اليدين إلى الأذنين. Vous avez entendu les hadiths qu'on a cités pendant le cours, et parmi ces hadiths, certains montrent qu'on lève la main jusqu'à l'épaule et d'autres qu'ils montrent qu'on lève la main jusqu'aux oreilles. لذلك اختلف العلماء اختلف العلماء. C'est pour cela que les savants ils ont divergé. Certains nous disent que c'est mieux jusqu'aux oreilles, d'autres qu'ils nous disent que c'est mieux que ce qu'il faut faire c'est jusqu'aux épaules. Wa لذلك قال كثير من العلماء ان الامر في ذلك واسع. C'est pour ça que beaucoup de savants ils nous disent que le sujet que ce sujet là est souple. C'est-à-dire que tu peux faire ça ou ça. تفعل هذا او هذا. Wa بعض العلماء جمعوا. Certains savants, ils ont rassemblé entre les preuves. Ils ont dit, mais warada min an-nusus fihi ar-raf' ila al-mankibayn fa al-murad al-aydi. Et donc, ils nous disent, ce qui est les ahadiths, les textes qui nous montrent le fait de lever la main jusqu'aux épaules, ce qui est voulu par là, c'est al-aydi, c'est-à-dire la paume de main. Wa ma warada fi an-nusus برفع اليدين إلى الأذنين فالمراد أطراف الأصابع. Ils disent, et ça, et les textes qui montrent qu'on monte les mains jusqu'aux oreilles, ce qui est voulu par là, c'est le bout des doigts. Et en faisant cela, tu as rassemblé entre tous les hadiths qui ont été rapportés sur le chapitre, dans ce chapitre, Wallahu A'lam. Wa akhiran. Tartibu et tartib. Et dernièrement, pour finir, donc, l'ordre. Hal nuqaddimu et takbir. Ou al-rafa. Est-ce qu'on fait d'abord le takbir et ensuite on lève les mains? Ou alors l'inverse? Fi dhalika dhakara al-Sheikh Ahmed Najmi arba'at aqwal. Le Sheikh Ahmed Najmi il a cité quatre avis concernant ce sujet. Le premier avis, taqdimu al-rafa, le fait de lever les mains en premier. Tu lèves les mains et ensuite tu dis Allahu Akbar. Le deuxième avis, l'inverse. Taqdim ou takbir, le fait de dire Allahu Akbar et ensuite tu lèves les mains. Le troisième avis, al-ithnan ma'an, les deux ensemble, Allahu Akbar. Et le dernier avis, le cheikh il nous dit, anta tarfa'u al-yadayn, tu lèves les mains d'abord, mais tu dis pas takbir. Et lorsque les mains sont levées, à ce moment-là, tu kabbir. À ce moment-là, tu kabbir. Et donc il y a quatre avis, et il nous dit que les quatre avis ont des preuves. C'est pour cela le cheikh il nous dit fa'ara anna kull dhalika jaiz. Et donc tout cela est permis inshallah ta'ala. Donc tu vois ton frère qui te dit Allahu Akbar, ensuite il lève la main, ou alors il lève la main après Allahu Akbar. Ne blâme pas ton frère par rapport à cela. C'est donc un sujet sur lequel il y a des preuves pour chaque acte, inshallah ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui et demain, on continue donc ce sous-chapitre. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.